La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés singes, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Je pense que maintenant, vous connaissez le principe de ces podcasts. Oh, tout d'abord, bonjour. Donc, je rencontre des personnes et grâce à ces personnes, bah, vous faites des découvertes. Il y a quelque temps, j'ai eu le plaisir de rencontrer Miguel Menéndez dans un café près de la gare du Midi à Bruxelles. Le café s'appelle Flor de Asturias. Miguel. Eh mais je me rappelle, tiens, au fait, quand j'habitais El Plantillo du côté de Madrid, j'avais un pote qui s'appelait Miguel. Bon, ça n'a absolument rien à voir, mais je voulais absolument la placer, histoire de faire un petit peu de remplissage. Alors, pourquoi j'ai rencontré Miguel Menéndez? Eh bien, parce qu'en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Rumba Hispano-Belga. C'est un livre qui raconte l'histoire musicale de l'immigration espagnole en Belgique. En 63 pages et 3 CD, eh bien ce livre va nous faire revivre un petit peu notre histoire. Et je dois dire que dans les CD, il y a 72 chansons qui pour moi ont été 72 découvertes. Alors tout d'abord, j'ai demandé à Miguel de nous dire un petit peu pourquoi il y a eu tous ces Espagnols qui sont arrivés en Belgique fin des années 50, début des années 60. Alors l'Espagne était un pays très pauvre et ils ont signé en 1955 un accord d'exportation de main-d'œuvre avec la Belgique pour travailler dans les mines surtout, le charbonnage. Il y avait des milliers d'Espagnols, surtout d'Andalousie et des Asturies du Nord, qui sont venus travailler dans les mines belges. Et puis dans l'année 62, encore plus de gens sont venus pour travailler dans les usines, dans les industries, dans les maisons. Et ça dure jusqu'en 65. En 65, on a fini ces partenariats, on va dire. Mais il y a encore beaucoup d'Espagnols qui sont arrivés parce qu'il y avait des opportunités de travail en Belgique. Et l'Espagne était très pauvre, on était sous une dictature. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui sont fuis la dictature. Et la Belgique était le cinquième pays de choisir de l'immigration. D'abord c'était l'Allemagne, bon, d'autres pays, Angleterre, la France, Suisse, et puis la Belgique, cinquième pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Que la Belgique était petite, du coup la communauté espagnole était plus solide, parce que la distance de Liège à Bruxelles ou d'Anvers à Bruxelles, c'est près, alors les gens pouvaient venir manger, même dîner, faire la fête à Bruxelles, et puis repartir à Anvers ou à Liège. Du coup, ça, c'est une chose qui n'arrive pas en Allemagne, par exemple. Le but, justement, de ces Espagnols, lorsqu'ils sont arrivés ici, c'était de rester. Ils voulaient vraiment s'installer ou bien ils se sont dit, bon, on va se faire un peu d'argent et puis on retourne en Espagne? Oui, plutôt ça. Tous les immigrants, peu importe les nouveaux ou les vieux, ils veulent voilà, rester un peu de temps, 2, 3, 5 ans, gagner un peu de sous et retourner dans le pays. Ça, ils veulent tous. Il y a très très peu d'Espagnols qui sont partis vraiment décidés à quitter leurs racines. Non, presque tous ils veulent retourner au pays. Mais après voilà, ils restent ici et finalement le départ c'est indéfini. Ils ne retournent jamais, ils ont des enfants ici. Plus une fois que tu as les enfants, c'est plus compliqué à partir. Alors ceux qui sont venus pour des raisons plus politiques, parce qu'ils fouillaient le régime, est-ce qu'ils ont eu les mêmes facilités en Belgique pour trouver de l'emploi ou pas? Oui, ils ont eu... ouais, c'était facile à trouver à l'époque, dans les années 60. Tu pouvais trouver où tu veux. Tu pouvais choisir le travail. Et quelles étaient les villes où justement les Espagnols s'installaient en Belgique? Principalement Liège, Charleroi et puis Bruxelles. Mais un peu partout. Un peu partout en Belgique, là où il y avait des mines. Mais principalement ces trois-là. Liège, Charleroi et Bruxelles. Et est-ce que c'est encore le cas? C'est là qu'on retrouve la majorité d'Espagnols? Oui, il y a encore beaucoup à Liège qui se sont installés, ils sont toujours là. Puis les minières, on va dire, qui sont venus pour travailler dans la mine de Charleroi, il y en a beaucoup qui sont répartis en Espagne. Et l'immigration à Bruxelles, elle continue encore un peu. Lorsqu'on demande à nous les Belges de citer des personnes issues de l'immigration italienne, on a facile. On cite Elio Di Rupo ou Adamo. Quand on demande de citer des personnes, que ce soit des politiciens ou des artistes espagnols, il y a un grand silence. Comment ça se fait? Est-ce que c'était plutôt des gens discrets, les Espagnols? Ils étaient moins nombreux et je ne sais pas vous dire la raison, mais c'est une question. Il y a Martinez, non, le sélectionneur de Belgique. Mais sinon, c'est vrai que je connais, il n'y a pas d'Espagnol célèbre, c'est vrai. On va parler de votre livre, hein, donc Rumba Hispano-Belga. Comment vous est venue en fait l'envie d'écrire ce livre ? Bah, c'est venu juste pour rendre hommage à ces artistes. J'ai commencé, moi je suis collectionneur de disques, alors j'avais déjà trouvé une douzaine de disques de 45 tours. Et c'était drôle parce que c'était des disques pressés par les restaurants espagnols et c'était musique très festive, ou même que parler de l'immigration. Alors là j'ai décidé, bon, je vais faire un petit disque. J'avais trouvé même quelques artistes de l'époque, alors je voulais rendre hommage et mettre tous ces morceaux sur un CD. Et puis j'ai commencé à chercher un peu plus et à trouver beaucoup plus. C'est comme ça qu'a commencé tout il y a 3 ans. Et d'une dizaine de disques, j'ai passé à 250, 45 tours. Et là, voilà, je devais choisir et il y avait beaucoup de rumba, beaucoup de musique très très festive qui était le style préféré des immigrants espagnols. Est-ce qu'on a une idée, vous dites 250, on a une idée du nombre de 45 tours justement qui ont été pressés de la période de 60 à 89 ? Non. Non, il n'y a pas un registre, c'est des labels privés, la plupart. Alors, je ne sais pas vous dire, mais plus de 300, oui. Donc, c'était, vous dites que c'est les restaurants comme Casa Manuel qui eux-mêmes faisaient les disques donc des artistes qui passaient chez eux ? Oui, ils payaient l'enregistrement, ils payaient la fabrication de disques, peut-être sur un label belge, mais c'était eux qui s'occupaient de presser ça. Il y a beaucoup de disques qui sont pressés par les restaurants. Juste pour promouvoir leurs artistes, c'est une carte de visite. On connaît le flamenco hein, comme musique en Espagne, mais dans votre livre, vous parlez de rumba, qui pour nous est associé plutôt à de la musique sud-américaine. Ça fait partie de la culture flamenco, ça, la rumba ? Oui, la rumba, c'est le style le plus festif de flamenco et elle vient de Cuba. Il y a la rumba cubaine et puis elle s'est mélangée avec les influences de la musique des gitans, le flamenco gitan. Et c'est ça qui donne la rumba catalane, par exemple. Avec le mambo, le son, on mélange le flamenco des gitans avec le mambo et ça donne la rumba catalane. Mais il y a la rumba, c'est le chant de ida y vuelta qu'on appelle, demande-réponse. Je sais pas comment on dit ça. Voilà, il y a quelqu'un qui dit une phrase et un groupe qui répond. Vous voyez, c'est un peu ça la musique cubaine, qui vient d'Afrique d'ailleurs. Et puis elle s'est mélangée, on a commencé à faire ce type de musique en Espagne. Dans le style flamenco. Et c'est cette musique qui était très populaire, très festive, la préférée pour les migrants. Du coup, les artistes, ils jouaient ce type de musique pour faire plaisir aux migrants. Il y a aussi 3 CD hein, dans le livre, ça fait 72 chansons. Comment vous avez fait le choix des chansons ? Parce que vous dites que vous avez 250, 45 tours. Pour le moment, il n'y a que, et je mets que entre parenthèses, 72 chansons. Alors vous avez choisi comment ? J'ai choisi plutôt des morceaux festifs. Des morceaux des groupes plus célèbres de l'immigration, des morceaux qui parlent de l'immigration, non, un sujet intéressant. Alors sur le 3 CD, le premier c'est vraiment flamenco, le flamenco pur qu'on jouait dans les restaurants ici. Il y a beaucoup de rumba flamenca. Puis le deuxième CD, il y a les groupes des années 60 qui jouaient du rock, parce qu'il y avait aussi, non, dans l'époque des années 60, il y avait des groupes qui jouaient un peu de Rolling Stones, Beatles, et eux ils composaient leurs propres morceaux. Et alors, le deuxième CD, c'est tous ces groupes-là. Et puis, la rumba des années 70. C'était le boom de la rumba. On écoutait la rumba partout, en Espagne et en Belgique, dans toutes les boîtes, dans les années 70. Et même, il y avait l'époque disco. Du coup, il y a des morceaux aussi un peu disco. Et puis, le troisième CD, c'est tous les orchestres qu'il y avait, dans les années 70 et 80, plutôt. C'est aussi des morceaux très festifs ou des morceaux qui parlent de l'immigration. Ces artistes, est-ce que c'était des artistes professionnels venus d'Espagne ou bien ce sont des personnes qui ont appris la musique ici en Belgique ? Alors dans le flamenco, il y avait vraiment des professionnels qui étaient déjà professionnels en Espagne et ils tournaient en Europe par exemple et ils ont trouvé que Belgique, que Bruxelles, c'était un très bon pays pour vivre. Une très belle ville, il y avait beaucoup d'ambiance flamenco, même plus qu'à Séville ou Madrid. Ici à La Riotte, il y avait beaucoup plus de flamenco qu'en Espagne. C'était fou et les gens ne savent pas. Du coup, dans le flamenco, il y avait des professionnels qui faisaient la musique. Il y en avait aussi qui avaient leur travail de côté. Ils travaillaient dans des mines même, dans des usines. Et puis la nuit, ils travaillaient dans la musique. Et puis tous les groupes, eux, ils avaient la musique, c'était leur passion. mais pas un métier. C'était important pour cette communauté espagnole, la musique, quand ils se réunissaient dans des cafés comme celui-ci, pour écouter de la musique, c'était un moment important pour un peu respirer, pour un peu peut-être pouvoir supporter le temps froid qu'on a ici. Oui, grâce à ce projet, je me suis rendu compte que oui, que la musique a eu beaucoup d'importance dans la socialisation des migrants. D'abord, ils se réunissaient dans les bars et il fallait, voilà, il fallait un moment de connexion. Et ils trouvaient ça avec la musique. Il y avait quelqu'un qui sortait une guitare, ou s'il y avait un artiste, bah, tu ne pensais pas au problème, tu ne pensais pas à ta famille, parce que tu écoutes la musique. Et ça te fait oublier un peu les nostalgies. Et puis, dans les années 70-80, c'était très important pour eux de sortir au bal, non, pour aller à la fête. Il y avait l'orchestre qui jouait, alors tu passes un bon moment, peu importe l'orchestre, peu importe la musique qu'ils jouent. Mais c'est surtout pour socialiser avec les restes des Espagnols. Vous dites peu importe, ça veut dire que la musique n'était pas toujours de top qualité, mais que c'était de la musique quand même? Oui, oui, exactement. Ils s'en foutaient de chansons qu'ils jouaient. Ils voulaient juste passer un bon moment avec les amis ou avec les collègues. Les concerts se déroulaient plutôt dans des salles petites, donc on peut dire que c'était des concerts plutôt intimes. Il n'y a pas eu de concerts dans des grandes salles comme Forêt Nationale, par exemple? Oui, oui. C'était des orchestres très connus en Belgique. Et ils pouvaient jouer pas seulement la musique espagnole, mais la musique, musique française, le hit parade, les succès du moment. Et il y avait des orchestres qui jouaient par exemple tous les samedis à l'Ancien Belgique. L'Ancien Belgique, c'est une grande salle. Alors ils avaient les contrats par exemple de minuit à 3h du matin. Tous les samedis, il y avait un orchestre espagnol. À Forêt Nationale, oui, aussi. Il y a des orchestres qui jouaient par exemple tous les Nouvel An à Forêt Nationale. Et, oui, oui. Ce livre, Rumba Hispano-Belga, vous le destinez à qui en fait? D'abord, l'immigration espagnole, la vieille immigration espagnole, pour se souvenir de toute cette époque. Les artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas gardé même pas leurs disques. Ouais. Du coup, voilà, ça me fait plaisir qu'ils gardent un souvenir de leur époque, parce que c'était une belle époque pour eux. Le familier aussi, bien sûr. Et puis la nouvelle immigration. La nouvelle génération des migrants qui ne savent pas ce qu'il y avait ici il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alors je voulais qu'ils connaissent ça. Puis pour les Belges, pour voir voilà, que ces artistes ils ont une influence parce que c'était le premier à créer des académies de flamenco. Ils ont appris de la guitare flamenco à beaucoup de Belges. Maintenant, les meilleurs artistes du panorama flamenco, ce sont les élèves de ces artistes qui sont dans la compilation. Et puis un autre public, c'est le public d'Espagne, parce qu'ils ne sont même pas au courant de tout ce qu'il y avait ici. Le livre est en fait bilingue, hein, donc il y a une partie en espagnol, une partie en français. C'est pour ça en fait aussi que vous avez fait cette partie en français pour destiner à ceux qui habitent en Belgique et qui ne connaissent rien, qui vont apprendre un peu de l'histoire de cette période. Oui, oui, exactement, je voulais le traduire en français, je voulais le faire aussi en néerlandais, mais vu qu'il n'y a personne qui a voulu participer dans le projet, c'est moi qui a fait tout ça avec mon argent, alors c'était déjà pour moi trop de faire la traduction en néerlandais, ça montait les frais et tout. Et finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais oui, j'ai voulu le faire aussi en néerlandais. Et tous ces artistes dont vous parlez dans le livre, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que certains sont encore en Belgique ou bien ils sont tous repartis en Espagne? Alors, je dirais que la moitié sont déjà décédés. Et de l'autre moitié, il y a quelques-uns qui sont toujours en Belgique. Mais la plupart sont retournés en Espagne. De ceux du petit nombre qui sont restés, est-ce qu'on peut encore en voir certains en concert? Il y a seulement les groupes des années 80 qui jouaient dans les années 80 de Vilvoorde, qui étaient les plus jeunes, ils jouent toujours. Alors si tu vas maintenant à Vilvoorde, il y a la grosse fête de Rocío, c'est en mai. Les mêmes groupes, ils sont toujours là. Ils ont 60 ans, mais ils jouent toujours la musique, c'est bien, une fois, deux fois par an, mais pas professionnellement, pas comme avant. Mais c'est le seul. Sinon, presque tous n'en joue plus depuis 30 ans. Votre livre couvre la période 1960 à 1989. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, il y aura peut-être un deuxième tome, 1990 à aujourd'hui? Je ne pense pas. Je vais continuer à trouver tous ces enregistrements, tous ces archives des années 90, même des années 2000. Mais non. Mais ce n'est pas la même époque. Non. On peut faire plus large. On peut inclure plus de groupes. J'ai laissé beaucoup de groupes dehors. Mais Mais non, pas à partir des années 90, il n'y a pas beaucoup de choses. En fait, l'année 89, dans les années 90, l'émigration a changé. Tous ces bars, tous ces restaurants, toutes ces salles de fête ont fermé. Les orchestres ont arrêté de jouer et ont arrêté aussi de presser des vinyles. Du coup, c'est plus la même chose. Quelles sont les réactions que vous recevez à la fois d'Espagnols et des autres quand ils lisent votre livre, qu'ils écoutent les CD, qu'ils découvrent un peu tous ces groupes, tous ces orchestres, tous ces chanteurs? Mais déjà, les artistes, ils sont très fiers de se voir inclure dans ces livres. On va dire que c'est un peu un respect pour eux, un hommage à chacun. Et déjà, ils sont très très contents de que j'aie mis le morceau sur YouTube. Déjà, ils sont contents. Mais en plus, si je mets ça sur un CD avec la pochette où il y a eux qui peuvent se voir dans un livre, ils sont très très très fiers. Tous les familiers aussi et toute l'immigration espagnole a très bien accueilli cette compilation. Et maintenant, je reçois beaucoup de messages des gens d'Espagne qui s'intéressent parce que vraiment ça les intéresse beaucoup et ils n'étaient pas au courant, même des journalistes, ça les intéresse. Donc, oui, ça. On peut espérer peut-être un jour vous voir à la télévision espagnole pour présenter ces artistes ou à la radio? Bah oui, j'espère, moi je fais ça pour faire connaître cette histoire. Vraiment, il faut que les gens connaissent tout ce qu'il y avait ici. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des endroits où des artistes d'aujourd'hui, peut-être non pas issus de l'immigration, mais qui sont la deuxième ou troisième génération, font encore des concerts en espagnol ou en flamenco ou en rumba? Oui, justement, il y a même des Belges qui ont monté des groupes de rumba. Et ce week-end, c'est le festival de rumba de Bruxelles, c'est vendredi, et c'est des Belges qui organisent à Anderlecht. Un groupe s'appelle Arumbo. Et ils font la rumba. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a quelques groupes de nouveaux migrants, mais un ou deux groupes, je vais dire. Pas beaucoup. Il n'y a pas des soirées toutes les semaines comme avant. Mais eux, ils font des concerts un peu partout. Mais ce n'est pas la même chose. Ça y est, c'est fini.